Travaux en ville, page 17. Passerelle des jardins familiaux. La ville fait régulièrement travailler les entreprises locales, départementales, régionales, voire nationales, notamment sur le parc Saint-Fiacre, sur différents chantiers. Mais lorsque des compétences en régie peuvent concevoir de A à Z un ouvrage, la collectivité n'hésite pas à les valoriser. Cette passerelle, qui est installée au bout des jardins familiaux, en est un bel exemple, car elle est le fruit du travail de plusieurs services. Le bureau d'études pour la conception, la voirie et les bâtiments pour la préparation du terrain et les espaces verts pour la réalisation et l'aménagement paysager. Un produit 100% municipal. Elle permettra aux promeneurs d'aller et venir aux jardins familiaux par le chemin du bois plaidé et accessible aussi aux personnes à mobilité réduite, PMR. Place Soleil. La place Soleil a été réaménagée au niveau de son accès ainsi qu'une modification des massifs floraux très vétustes. Les automobilistes sont désormais amenés à entrer et à sortir par le même accès. Une place de parking a été créée ainsi que le déplacement du passage piéton pour une plus grande sécurité des usagers. Boulevard Bonneau. Un projet de sécurisation du carrefour de la rue Lamartine jusqu'au feu tricolore est en cours d'élaboration. La ville souhaite installer un plateau surélevé avec une zone 30 km/h, un élargissement de la bande de trottoir côté impair pour permettre le flux mixte piéton-vélo et une redéfinition de la zone de stationnement. Les travaux auront lieu courant de l'année pour un coût de 60 000 €. Rue Volney. Après la rue d'Anjou, la rue Dublino, la rue Josselin, le quartier Saint-Rémy, rue et place homonymes, c'est maintenant la rue Volney qui est sur le point de clôturer le réaménagement total de ce quartier 19e. Démarré en août 2015, ce chantier devrait prendre fin au premier semestre 2017. En effet, une pause a été réalisée sur ce chantier pour permettre la finalisation des travaux de réhabilitation de propriétés privées. Les travaux reprendront leur finition au niveau de l'aménagement et des revêtements de sol. Le coût total de cette opération est de 237 000 €. Pour illustrer cet article, nous avons la photo de l'installation de la passerelle des jardins familiaux, une photo de la place Soleil et une photo du boulevard Bonneau.